Passez un très bel après-midi, il se poursuit avec Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Issam Sartaoui est né à Saint-Jean-d'Acre en 1934. Cette semaine, l'art de l'échange. Médecin. En 1967, la guerre des six jours qui consacre l'hégémonie régionale d'Israël au Proche-Orient va bouleverser et modifier le cours de sa vie. Chef de guerre. Quatre armées arabes ont été battues en 67. Est-ce que ça ne vous fait pas peur ? Cela ne nous fait pas peur, car en 67, le peuple n'a pas pu jouer son rôle. Maintenant, c'est le peuple qui joue son rôle au travers de nous, fedayin. Homme de paix. C'était ça qui était terrible. Chaque fois qu'il allait faire des démarches auprès d'autorités, eh bien, quelque part, il y avait la diplomatie officielle palestinienne qui rétropédalait en disant « Non, non, pas du tout, c'est pas lui. » Début avril 1983, à Albufeira, au Portugal. Monsieur Sartaoui était dans le hall de l'hôtel en compagnie de l'ambassadeur de Tanzanie en France et d'un délégué de Chypre lorsque un ou deux hommes sont entrés. Monsieur Sartaoui a été abattu presque à bout portant. Issam Sartaoui. En juin 2013, l'Institut Pierre Mendès France à Paris rendait hommage à l'acteur de paix qu'il fut concernant la question du Proche-Orient, l'occasion d'évoquer les relations que Pierre Mendès France eut, entre autres, avec Issam Sartaoui, dont nous vous avons parlé toute cette semaine, en lien avec le prochain documentaire qu'Histoire vivante vous propose de découvrir dimanche soir sur RTS2. Zinger a amorcé la discussion en annonçant que nous avions une proposition concrète en vue d'un accord. Un extrait de Chronique secrète d'Oslo, à voir ce dimanche soir sur RTS2. L'optimisme de notre premier document avait complètement disparu pour faire place à l'agenda de Rabin. Il insistait sur la sécurité et la défense plutôt que sur la coopération et la coexistence. Rabin refusait de débattre des principaux enjeux du conflit, préférant les remettre à plus tard. Il n'y avait aucune mention d'intervention dans les colonies, de la division de Jérusalem, du retour des réfugiés palestiniens ou du tracé définitif des frontières. Dès le début de la lecture, les Palestiniens ont semblé décontenancés. Après seulement quelques minutes, Abu Ala a murmuré en arabe « C'est une catastrophe ». La dernière série de pourparlers m'avait laissé plus confus que jamais. Malgré l'humiliante proposition de Zinger, il était clair que nous avions désormais affaire aux hautes sphères dirigeantes. Ce n'était plus l'initiative de deux gentils professeurs pour la paix, mais celle de Rabin et Peres eux-mêmes. En même temps, les informations dressaient un tout autre portrait. Rabin ne desserrait pas sa poigne. Chaque jour, des Palestiniens étaient tués, dont plusieurs enfants innocents. Que fallait-il croire? Ce qu'on voyait à la télévision ou les promesses d'Uri? La série suivante de pourparlers s'est transformée en bataille épique sur le texte de l'accord. Les deux parties, peu disposées à faire des compromis, semblaient aller droit vers une confrontation finale. Comme nos dirigeants nous l'avaient demandé, nous sommes restés fermes. Nous sommes arrivés à la 11e session d'Oslo avec notre propre proposition. Zinger et la délégation israélienne croyaient peut-être que nous allions accepter leurs conditions, mais ce n'était pas notre intention. Notre version révisée déclarait que l'objectif final était l'application de la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant le retrait d'Israël des territoires occupés. La proposition palestinienne m'a rendu furieux et ma réponse a été catégorique. Il n'est pas question que nous reconnaissions la résolution 242, car cela signifierait se retirer aux frontières de 1967. Et nous refusons de discuter des frontières à cette étape. Nous commencions à croire que l'OLP était notre partenaire dans cette initiative. Mais dès que nous mettions carte sur table, l'OLP prenait ses distances et compliquait les choses. Peut-être certains ont-ils raison de dire que les Palestiniens ne ratent jamais une occasion de rater une occasion. Oslo Diaries, le dessous des négociations secrètes qui ont abouti au dernier accord en date, 1993, concernant la question israélo-palestinienne. Tournons-nous vers ce colloque qui s'est tenu à l'Institut Pierre Mendès France avec André Azoulay, conseiller du roi du Maroc. Dans la démarche de Pierre Mendès France et avec Issam Sartawi, la démarche d'Issam Sartawi avec Pierre Mendès France, peu importe, il s'est créé quelque chose qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus, en tout cas pas de la façon structurée où cela avait été conçu à l'époque. C'est quand même fascinant de voir cette volonté qu'avait Issam Sartawi de construire un réseau juif pour participer à sa démarche et pour adosser sa propre démarche à justement ces personnalités juives qui n'étaient pas nécessairement israéliennes, qui étaient dans la diaspora, mais il y avait cette vision. Et il avait fait ce choix. Au départ, il m'avait dit que c'était aussi sa feuille de route qui lui avait été donnée. C'était de bâtir ce réseau au sein du monde juif. Et je rappelle que c'était au début des années 70. Révolutionnaire et tellement, tellement pédagogique pour comprendre. Et que de la même façon, Pierre Mendès France, au-delà de toutes les nuances, de toutes les différences qu'il pouvait avoir sur la finalité, avait compris cette dimension essentielle, audacieuse, pionnière de relations, de dialectique, de compréhension mutuelle qui pouvait à la fin, même s'il fallait du temps, aider de façon décisive. 7 ou 8 rencontres ont eu lieu à Paris. Éric Roussel, président de l'Institut Pierre Mendès France. Au domicile parisien de Pierre Mendès France, rue du Conseiller Collignon. Et on ne sait pas grand-chose non plus de ce qui s'est dit, car ces rencontres conservaient toujours un caractère strictement confidentiel. On sait simplement que ces pourparlers avaient l'aval de Yasser Arafat et d'Itzhak Rabin. Ces négociations ont continué, et jusqu'à cette date de 1977, date historique, qui a coïncidé donc avec le voyage du président Sadat à Jérusalem. Pierre Mendès France s'est semble-t-il trouvé à Jérusalem par hasard. Ça a été un hasard particulièrement heureux, puisqu'il lui a été donné l'occasion de pouvoir assister à la première tentative de rapprochement effectif entre les deux parties qui s'efforçaient de rapprocher. À partir de cette date, il a continué impliqué dans ces négociations, dont on ne sait pas grand-chose. Il semble qu'après cette date, il n'y ait plus beaucoup de rencontres. Les rencontres ont eu lieu, semble-t-il, de 76 et 77. Et les contacts, malgré tout, ont continué. Et tout cela a abouti à la publication, le 2 juillet 1982, donc très peu de temps avant la mort de Pierre Mendès France, à un appel à l'autodétermination du peuple palestinien qui a été signé par Pierre Mendès France, par Nahum Goldman, par Philippe Lutznik et Issam Sartawi. Pierre Mendès France est mort immédiatement, enfin très peu de temps après cet appel. J'ai rencontré André Azoulay, Abou Mazen, le président de l'État de Palestine, pour la première fois en 1974. Donc ça n'est pas né d'hier. Je voudrais ici d'ailleurs témoigner du fait que, faisant partie de ceux qui le connaissent depuis 40 ans, un peu plus de 40 ans, presque 40 ans, ce qu'il me disait en 1974 n'a pas changé. Il fait aujourd'hui ce qu'il évoquait et ce qu'il développait déjà en 1974. Et je veux dire ici tout mon respect pour le président de l'autorité palestinienne, pour la cohérence, la décence, l'honnêteté intellectuelle, la lucidité que je lui reconnais parce que je l'ai vécu. Et à l'époque, à l'initiative du président Arafat, Abou Mazen, Mahmoud Abbas, avait été chargé de développer avec un certain nombre de personnalités juives déjà à l'époque un réseau de contacts et d'amitié pour, me disait-il, nous permettre à nous, Palestiniens, de vous comprendre, vous les Juifs, et d'entrer dans la complexité juive. J'avais trouvé la démarche à la fois passionnante, audacieuse, pionnière, visionnaire. Enfin, nous avions un interlocuteur palestinien qui disait « Expliquez-moi ». Et il avait, à ce moment-là, après notre premier contact, demandé à Issam Sartaoui, qui travaillait avec lui, qui travaillait pour lui, d'être mon contact. Et ça a été le cas pendant presque 8 ans. Et nous avions un contrat. Un contrat qui était celui que, bien sûr, nous prêtions dans cette pédagogie politique sollicitée par le président, par Abou Mazen. Donc nous disions à Issam Sartaoui pourquoi et comment nous étions ces militants qui déjà à l'époque croyaient, travaillaient, militaient, agissaient pour deux États, égaux en droit. Et je lui ai dit, vous allez aussi nous apprendre à nous, juifs, militants, la complexité de la cause palestinienne. C'est dans cet échange que nous allons pouvoir être utiles et avancer. Et nous avons travaillé comme cela jusqu'à l'assassinat de Issam. Lui est mort de cet engagement, il est mort de son action. Et nous avons poursuivi cette dialectique, mais nous étions dans une autre case. Nous étions des juifs singuliers, appartenant à l'establishment, nous n'avions pas les cheveux longs, nous ne faisions pas de démonstrations dans les rues, mais nous étions paradoxalement très radicaux, irréfragables dans l'affirmation de ces valeurs dans lesquelles nous étions installés jusqu'à ce moment-là. Et c'est pour cela qu'une petite organisation comme celle à laquelle j'appartenais à la fois a été dangereuse pour les uns, mais très écoutée par les autres. Parce que cette parole était celle de, à la fois de la lucidité, de l'engagement, mais aussi de la raison, et non pas simplement de l'idéologie. Mon père a été un homme très courageux. Nadia Sartaoui. Tout autant que les autres dirigeants palestiniens qui ont mené ce combat pour la paix avec lui. Il faudrait rappeler simplement la différence entre Issam Sartaoui, entre Hamami et ses interlocuteurs israéliens, c'est que eux avaient un mandat officiel de l'OLP, donc ils parlaient au nom de l'OLP, au nom de l'ensemble du peuple palestinien, alors que les interlocuteurs qu'il y avait, Lova Eliav, Mati Peled, etc., étaient des gens qui étaient dans l'opposition, qui étaient extrêmement courageux, bien évidemment, étaient très à l'avant-garde à l'époque, mais c'était pas du tout la même dimension, et peut-être qu'on n'avait pas aussi les résultats qu'espérait mon père, parce que il avait également il n'avait pas trouvé un interlocuteur israélien qui avait accepté même de le rencontrer dans ses rencontres secrètes. Donc, mon père savait depuis très longtemps que la menace était à son seuil. Il savait que la mort serait au rendez-vous. Il savait qu'il était une tête chercheuse, qu'il n'était pas couvert. Il savait aussi que son succès serait le succès de l'organisation, que ses échecs seraient ses échecs personnels. Donc, c'était un homme dont la vie avait été une succession d'existences. Il avait commencé par être un chirurgien. Il était un chirurgien. Il a été formé dans la plus grande université américaine. Il est à un moment, il a compris que sa place était au Moyen-Orient. Il a pris la tête d'une organisation qui avait été extrêmement courageuse. Ils ont détourné des avions. 2 années après, il réalise avec Abou Mazen que de toute façon, ce chemin-là n'allait pas mener à l'État, les mener peut-être simplement à la reconnaissance de la cause palestinienne, mais c'était tout à fait insuffisant. Et c'est vrai, lorsqu'on rencontre le président Abou Mazen, mon père, les deux ont cette curiosité de l'autre, tel que l'avait dit André, qui êtes-vous, que voulez-vous, de quelle manière est-ce qu'on peut avancer ensemble. Ils avaient très très bien compris que de toute façon l'issue ne pouvait pas être une confrontation. Mon père répétait souvent cette phrase de Victor Hugo, il disait, je n'ai plus d'ennemis lorsqu'ils sont malheureux. Je ne sais pas si cette phrase lui avait été soufflée par Pierre Mendès France. Ce qui est sûr, c'est que la mort change la vie en destin et elle a donné un sens ultime à son engagement, à son action. Pierre l'écrit et le décrit très bien dans son livre à la fin. C'est la dernière année. Il savait que le compte à rebours était engagé et donc il avait essayé au maximum d'obtenir la reconnaissance pour le peuple palestinien au sein de l'international national-socialiste, d'essayer de rencontrer un maximum de dirigeants pour essayer de leur faire comprendre la nécessité de tenir compte de la légitimité de la demande palestinienne et la nécessité d'aboutir à un État côte à côte. Et puis je voudrais aussi rendre hommage à Marie-Claire Mendès France. Marie-Claire s'est beaucoup investie dans le conflit israélo-arabe. À la mort de son mari, mon père, au mois de décembre 82, lui avait demandé de reprendre le flambeau, de reprendre le relais. Elle l'a fait avec beaucoup de passion, elle l'a fait avec beaucoup de courage, elle a fait mille et un voyages pour recueillir des messages de paix, pour transmettre des messages de paix jusqu'à sa mort. La question israélo-arabe a été au cœur de son action, au cœur de sa vie. Conseiller du roi du Maroc. Je voudrais seulement rebondir deux secondes sur l'assassinat d'Issam Sartaoui. Moi, j'ai vu Issam deux mois avant qu'il n'ait été assassiné. Et il était venu, comme il l'avait fait souvent, à mon domicile parisien. Et c'est vrai qu'il avait non seulement le gilet pare-balles, mais il avait un énorme magnum toujours dans sa poche de droite. Et en entrant chez moi, de tradition comme cela, il le donnait à mon épouse en me disant « Voilà, je suis fétichiste, je l'ai toujours sur moi, mais je sais que ça ne servira à rien le jour où maman viendra. » C'était un énorme revolver, moi je garde ça en mémoire parce que il était très impressionnant. Mais j'avais en mémoire, et Nadia me le rappelait, le fait que, s'agissant de ces assassins, il y a quand même quelque chose de fascinant parce que ceux qui ont tué Yitzhak Rabin, moi je continue à penser que le fou qui l'a fait était nécessairement l'instrument de quelqu'un d'autre ou de quelques autres et d'une organisation, parce que l'objectif qui lui a été assigné, qui était de faire exploser le processus de paix, a été atteint à 1000%. Et ce n'est pas un individu qui peut avoir ce talent, cette force. Donc je ne crois pas au hasard à ce niveau, ni à la folie à ce niveau. De la même façon, Issam Sartaoui, qui était porteur de toutes les modernités, de tous les courages, de toutes les audaces, après avoir lui-même tué beaucoup d'Israéliens, il a été sur le champ de bataille. Le jour où il a été tué, c'est aussi le personnage le plus engagé, le plus emblématique, le plus cohérent dans cette perspective des deux États, qui a disparu. Et avec lui aussi, comme pour Rabin, c'est tout un pan, toute une partie de cet édifice de paix qui a explosé. Et la convergence des objectifs de leur assassinat et des résultats de leur assassinat, moi, m'interroge bien évidemment. Une seule chose, je souhaite rappeler qu'Abu Nidal avait assassiné le premier cercle, le deuxième cercle des dirigeants palestiniens. Lorsque vous regardez Nadia Sartaoui, la cartographie des dirigeants palestiniens des années 70, tous liquidés les uns après les autres. Donc savoir précisément qui a tué qui, je dirais que c'est le camp de dialogue palestinien, le camp de paix israélien qui a donné sa vie pour que justement une paix s'instaure au Moyen-Orient entre Israéliens et Palestiniens. « Je voudrais vous remercier parce que je trouve que c'est émouvant. Leïla Chaïd, ancienne déléguée générale de l'autorité palestinienne en France, ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne. D'entendre que ce soit la fille de Issam ou les acteurs et les amis de Pierre Mendès France, parce que je pense que ça peut nous inspirer dans une période où on manque d'hommes courageux, comme Issam et comme Pierre. Comment se fait-il qu'il y ait eu tellement de tentatives abouties ou moins abouties à travers plusieurs dirigeants, dont Kreisky ou Palmé ou... Je crois qu'il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, et c'est intéressant parce que nous aussi on n'a pas d'archives dans le mouvement national palestinien. Mais moi j'ai ma vie qui correspond à cette période, et je pense que la raison pour laquelle il y a eu toute initiative du Maroc où Identité et Dialogue a travaillé au monde de social-démocrate de l'Europe, au désert américain, pas surprenant, parce que je pense qu'il ne pige rien à tout ça d'ailleurs. C'est l'évolution du mouvement national palestinien. Personne de vous ne l'a dit, je veux dire. Je crois que toute cette force qu'a eue, et c'est pour ça que Issam avait ce courage, s'il avait pensé que c'était une lubie à lui, il n'aurait pas eu la force d'affronter la mort comme il l'a affrontée. Et vous témoignez, et sa fille dit qu'il savait que ça se terminerait très mal, avec ou sans le gilet pare-balles. Mais je pense qu'il l'a fait parce qu'il a vu lui-même, et il est l'exemple de l'évolution. Le mouvement national palestinien a commencé par dire très tôt qu'il voulait un État démocratique, laïque pour tous. On avait une affiche que j'ai placardée dans toutes les villes de Beyrouth où il y avait les trois symboles des trois religions. Et nous avons commencé à comprendre que les Israéliens voulaient un État à eux seuls à partir uniquement des années 74, et c'est mentionné la première fois dans le document du Front démocratique de libération de la Palestine, qui ose dire pour la première fois, nous établirons un État palestinien sur toute partie de territoire libéré. Ils ne disent pas encore deux États. Et Fatah rejoint le Front démocratique de Hawatmé en disant après, et le principe de deux États. Mais pendant longtemps, et il y a des gens qui nous le reprochent jusqu'à aujourd'hui, parmi même nos amis israéliens qui veulent maintenant un État binational et qui disent, mais vous aviez la bonne idée, vous l'avez abandonnée pour accepter le principe. Il y a eu une évolution très importante du mouvement national palestinien parce qu'il est réellement le prédit d'un pragmatisme très éloigné du dogmatisme des mouvements idéologiques forts comme les partis communistes ou les marxistes. Et je pense que c'est ça qui a finalement donné la force à l'OLP d'arriver à la proposition écrite officielle en 88 de la et la reconnaissance de l'État d'Israël. Il y a une évolution historique qui fait qu'elle produit toutes ces nécessités. Et je pense que quelqu'un comme Pierre Mendès-France, il comprend ça. Il comprend qu'il faut... Même François Mitterrand comprend, puisque finalement c'est François Mitterrand qui est le premier qui tend la main à Arafat et qui l'invite comme chef d'État contre l'avis de beaucoup de ses propres amis qui souvent ne lui ont pas pardonné. Mais parce que je pense que, et c'est pour ça que c'est important par rapport à aujourd'hui, c'est que lorsqu'on traite avec une situation qui concerne tellement la paix et la coexistence dans le monde, qu'on a des responsabilités en tant que partie tiers, et que je pense que toute initiative, elle n'était pas concertée, mais elle reflétait la nécessité, que ce soit en Israël, parce que c'est pour les mêmes raisons que Mati Peled et Uri Avner et Ari Eliav répondent à cette demande, parce qu'il fallait encourager cette maturation d'un mouvement politique qui est arrivé par conviction au compromis historique, pas parce qu'il a été obligé. Et que ce compromis historique, pour le moment, je suis de l'avis d'André Azoulay, nous sommes en train de voir malheureusement qu'il se casse la gueule parce qu'on l'a abandonné et qu'on a abandonné le rôle de personnage dans l'histoire comme Pierre Mendès-France l'a été pour le monde socialiste et pour, je dirais pas seulement la France, mais aussi l'Europe. Et un anticolonialiste, il faut se rappeler. Ce qu'il reste, c'est l'échec. André Azoulay. Ce qu'il reste, c'est l'amertume. Ce qui reste aussi, c'est la lecture de toutes ces opportunités gâchées, ces rendez-vous manqués, de cette régression collective, de cet archaïsme revenu. Nous étions à l'époque tellement modernes. Et nous sommes aujourd'hui tellement, tellement en recul, régressif. Peut-être que l'évocation de ces années, peut-être que ces combats qui ont été les nôtres et ces engagements, une fois rappelés, une fois remis peut-être un peu en lumière, vont nous donner l'opportunité de retrouver cette dynamique de ce moment-là. Parce que, bien évidemment, plus que jamais aujourd'hui, la nécessité de cette solution à deux États s'impose à tous. Elle s'impose d'autant plus que peut-être la perspective qui en reste, elle est là encore pour quelques semaines, quelques mois. Il faut que l'on soit conscient que ces rendez-vous ratés et ces opportunités gâchées ont détruit une bonne partie de la légitimité des atouts, des raisons qui faisaient que cette perspective des deux États était possible. Mais il faut qu'on le sache. Si elle existe encore aujourd'hui, c'est encore peut-être pour tellement peu de temps que nous avons tous besoin d'un électrochoc pour lui redonner ses chances et sa possibilité d'exister. Je voudrais aussi témoigner d'autres choses. Excusez-moi, peut-être j'ai été trop long, mais je conclurai là-dessus, si vous le voulez. Je n'ai jamais, pour ce qui me concerne, excusez-moi cet exhibitionnisme un peu personnel, je n'ai jamais scindé ou séparé mes convictions culturelles, identitaires en tant que juif, du combat qui était le mien. Et Pierre Mendès France m'a aidé aussi dans ce sens, parce que il m'a conforté dans l'idée que quand je militais pour l'État palestinien et que je continue aujourd'hui de faire ce que je peux pour cet État, alors j'étais en totale cohérence avec mon judaïsme. Et je lui avais dit que moi, j'avais très tôt compris que la meilleure façon pour moi de rester juif était justement de permettre au peuple palestinien de retrouver ses droits. Mon judaïsme n'est pas celui du sang qui coule dans mes veines, il est celui de ce que j'essaie de garder dans ma tête en tant que valeur. Et ce judaïsme, il est celui de la majorité des juifs, il est celui de la culture de l'altérité, et l'altérité dans mon imaginaire à moi, elle est identifiée aux Palestiniens parce qu'ils sont privés justement de tout ce qui fait mon judaïsme, c'est-à-dire la possibilité de partager avec celui qui est en face de moi les valeurs de justice, de liberté, de pluralité, de dignité, de souveraineté. Et Pierre Mendès France m'a conforté dans ce choix. Je le conclue là-dessus, j'étais allé beaucoup plus loin que lui n'était allé, mais il a accepté que j'aille jusque-là. Sur le site d'Histoire Vivante, vous pourrez trouver le lien vous permettant d'entendre l'intégralité de ce débat organisé en juin 2013 par l'Institut Pierre Mendès France. Dimanche sur RTS2, vous avez rendez-vous avec le nouveau documentaire d'Histoire Vivante, Oslo Diaries, le dessous des négociations secrètes qui ont abouti au dernier accord en date, 1993, concernant la question israélo-palestinienne.